Monsieur Boniface de Rat, directeur des éditions du Scorpion Myope, a prodigieusement intéressé les deux envoyés spéciaux de mardi 8h par sa magistrale démonstration sur le rodage des livres. Guy et Sylvain, profitant d'un instant de répit, mettaient de l'ordre dans leurs notes et papiers lorsque le téléphone sonna. Ils levèrent le nez d'abord, les sourcils ensuite. « Qui ce petit bien être ?» dit Guy. « Comment veux-tu que je le sache ?» dit Sylvain. « Toujours du mystère, alors. Toujours cette cruelle et sempiternelle incertitude. Il n'y a qu'à répondre, on verra bien. Excellente idée, dit Sylvain. Et il décrocha. Mais il décrocha mal. Et, s'en verlificotant dans le fil de l'écouteur, il fit un faux mouvement et coupa la communication avec son coude. Bon travail, s'écria Guy. Maintenant, on voilà bien avancé. Je m'excuse, fit Sylvain humblement, je n'ai pas fait exprès. Manquerait plus que ça. Qu'est-ce qu'on va faire? S'il est vrai, il n'y a qu'à attendre. Tant de quoi? Qu'on nous rappelle? Et si on ne nous rappelle pas? Ben, c'est nous qui rappellerons. Qui? Ben, celui qui nous a appelés. Et tu sais qui nous a appelés? Non? Alors, on ne sait pas. Tu sais pas. Sans portailler, solution facile, retraite aux communes. Monsieur décroche, se conduit comme un crétin maladroit, coupe la communication, et tout ce qu'il trouve à dire, c'est « je ne sais pas ». Oh, dis, ça va, tu vas pas en faire un saladier. J'en ferai ce que je voudrais. T'en fous, toi, naturellement, tu te réfugies dans ton égoïsme habituel. Dis donc, Guy, il n'y a pas de « dis donc, Guy » qui tienne. C'est peut-être quelqu'un qui appelle au secours, qui a besoin de nous tout de suite, sans délai, quelqu'un qui est en danger de mort et qui va peut-être périr dans notre souffrance parce que monsieur a coupé soi-disant par inadvertance. Tu veux que je te dise, tiens, t'es qu'un pourri, un lâche, et toi un fumier à deux pattes, salaud, espion, dégénéré, sénescent, impuissant. Et il se giflèrent à tour de bras. Le téléphone se remit à sonner. Bouge pas, vieux, j'y vais, dit Sylvain. Il décroche ça cette fois avec précaution, réussit pleinement l'opération, et tendit gracieusement le récepteur à Guy. « Qu'est-ce que je dis, Figui ?»« Ben, dis allô !»« Ah, c'est juste, je me souvenais plus. »« Allô, allô ?»« Ah, c'est vous, Léon !»« C'est Léon la migraine, » dit-il à Sylvain. « Oui, comment ?»« Bien sûr que ça nous intéresse, très vivement même. »« Bon, d'accord, on vous attend. »« Qu'est-ce qu'il veut ?» interrogea Sylvain. « Il demande si ça nous intéresse d'être présenté au préfet de police. »« Ah, oh, ben, tu parles !»« Alors, viens nous chercher dans 5 minutes. »« Excuse-moi, vieux, pour tout à l'heure. »« Quoi, pour tout à l'heure ?»« Ben, je t'ai insulté, je t'ai répondu, mais je t'ai giflé. » Moi aussi, alors on est quitte, mais bien sûr, sans rancune, voyons au vieux. Et ils s'embrassaient. Léon la migraine les cueillait au vol au moment précis où ils sortaient. Vite, vite, les gars, cria-t-il en vitesse. Le préfet vous attend, j'ai arrangé un rendez-vous au poêle. Il démarra sur le chapeau de roue, en même temps que sur le sien, qui était tombé sur la chaussée. Léon rangea la voiture le long de la préfecture de police où ils pénétrèrent par le portail de la grande maison. Qu'est-ce que c'est? Fit un gardien. Le rendez-vous avec, commença Léon, il n'en put dire davantage. Sur un signe du gardien, deux inspecteurs en civil se précipitèrent, écartèrent Léon et empoignèrent Guy et Sylvain. En moins de 5 minutes, ils furent traînés dans une pièce enfumée, fouillés, délestés de tout ce qu'ils avaient sur eux, débarrassés de leurs lacets, de leurs bretelles et de leurs cravates, mensurés, photographiés de face, de profil, les trois quarts. On leur prit leurs empreintes digitales, labiales et sexuelles, et on les jeta finalement dans une étroite cellule dont la porte se referma brutalement. Haletant, stupide, ne réalisant pas ce qui leur arrivait, Guy et Sylvain se laissèrent tomber sur le sol. « Eh ben, mon pourceau, » dit Guy. « Eh ben, ma truie, » dit Sylvain. Ils venaient à peine de s'exclamer ainsi que la porte de leur geôle se rouvrait et que le préfet en personne, suivi de Léon la migraine, entrait mi-rieur, mi-sérieux. « Mes bons amis, » s'écria-t-il, « c'est un ridicule malentendu. Mais vous savez ce que c'est, » dit l'inspecteur, trop zélé, un peu trop nerveux, un peu de déformation professionnelle. Il n'en faut pas davantage pour... Mais venez, venez, nous allons arranger ça. » Les deux amis, sur un clin d'œil de Léon la migraine, eurent le bon goût de prendre la chose du bon côté. On leur rendit tout ce qu'on leur avait pris, en y ajoutant 2 briquets et 3 stylos prélevés sur d'autres personnes. Un officier de police tint alors nouer lui-même leur cravate et alla accrocher leur bretelle. Un commissaire aux délégations judiciaires leur attacha leur lacet. Un brigadier leur donna un bon coup de brosse et les 2 inspecteurs qui les avaient harponnés vinrent en pleurant à chaudes larmes à pleurer leur pardon à genoux, récitèrent 3 ave et 6 pater, firent leur acte de contrition et ne se retirèrent qu'après que Guy et Sylvain, désarmés, leur eurent donné l'absolution. À suivre avec soulagement et compréhension. et Sylvain, qui ont rendez-vous avec le préfet de police, viennent d'être tirés par celui-ci, avec ses excuses, de la cellule où ils avaient été jetés par erreur. Quelques bonnes paroles amicales, quelques bonnes tapes dans le dos et surtout quelques whisky bien tassés, et leur mésaventure express n'existe à bientôt plus qu'à l'état de souvenir. « Allons, que puis-je pour vous, mes amis ?» dit le plus cordialement du monde le préfet. « Eh bien, comment ça, Guy, notre ami Navigraine a dû, je crois, vous dire « Oui, en effet, coupa le préfet. Ce brave Léon m'a dit, je ne sais trop quoi, mais il me l'a dit, c'est exact. Voyons, que se rassemblent mes souvenirs ?»« Ah, j'y suis. Vous êtes bien tous les deux médecins légistes ?»« Non, monsieur le préfet, répondit Sylvain. Reporter. Ah, c'est ça, reporter. Où avais-je la tête ? Il est vrai qu'on peut confondre, n'est-ce pas ? Les uns dissèquent les cadavres et les autres les événements. » La confusion est excusable, et je m'en excuse. À présent, j'y suis. Et, si je comprends bien, d'après ce que m'a dit cet excellent Léon Lamigraine, car maintenant je me rappelle très bien ce qu'il m'a dit, vous désirez vous documenter sur le fonctionnement des rouages de notre machine policière. Exactement. Eh bien, messieurs, on peut dire que votre premier contact avec notre maison était plutôt percutant. Oh, monsieur le préfet. Et si, mais je vous en prie, ne vous hâtez pas d'en tirer des conclusions désobligeantes. L'incident que je suis le premier à déplorer et dont vous venez d'être les regrettables victimes ne constitue, heureusement, qu'un cas tout à fait exceptionnel et qui se trouvait, si paradoxal que cela puisse vous paraître, en opposition formelle et absolue avec nos principes et nos directives. Heureux de vous l'entendre dire, dit Guy, et moi encore plus heureux de pouvoir vous l'affirmer. Aussi bien ne me contenterai-je pas d'une justification verbale toujours plus ou moins sujette à caution. Je tiens à vous donner la preuve que nos actes sont en rapport avec nos propos. Que voulez-vous savoir ? Eh bien, monsieur le préfet, dit Sylvain, puisque aussi bien vous nous mettez plus qu'à notre aise, et nous aimerions savoir si vos méthodes d'enquête et d'introspection sont les mêmes que celles pratiquées dans nos régions. Nulle question ne pouvait m'être plus agréable, cher monsieur. Les méthodes que nous employons ici, c'est-à-dire du côté d'ailleurs, n'ont plus aucun rapport avec les procédés brutaux, encore en honneur, si j'ose dire, dans presque toutes les polices du monde. Nous avons relégué ces antiques formules au magasin d'accessoires. Nous estimons que les individus qui tombent entre nos mains ne sont pas obligatoirement des êtres dont il n'y a plus rien à espérer. Et les chocs qu'ils reçoivent ici, au cours de leurs interrogatoires, notamment, ne sont plus d'ordre physique et matériel, mais bel et bien d'ordre psychique, affectif et sentimental. Et vous obtenez le bon résultat ? Excellent. Les statistiques sont formelles. Il y a bien évidemment quelques déchets, quelques irréductibles, incapables du moindre effort de perfectibilité, mais dans l'ensemble, je vous le répète, l'expérience est concluante et se révèle très nettement bénéficiaire. Et, monsieur le préfet, une petite question toujours d'actualité. En ce qui concerne les aveux spontanés, vous ne pouvez mieux tomber. Les aveux spontanés sont en quelque sorte la meilleure et la plus vivante illustration de nos méthodes. Vous allez en juger par vous-même. Il décrocha le téléphone. Allô, dit-il, passez-moi le commissaire Bourrelet. Allô, Bourrelet ? Dites-moi, mon vieux, est-ce qu'il y a réception chez vous aujourd'hui ? Qui ? Ah, parfait, parfait. Je vous envoie des amis qui désirent se documenter sur nos méthodes et en vérifier l'excellence. Je vous les envoie, c'est ça, merci. Voilà qui est fait, reprit-il. Le commissaire Bourrelet va interroger dans quelques instants un gangster notoire, une brute finie, voleur, meurtrier, que sais-je encore. Et vous allez vous rendre compte. Mais vous verrez, et vous jugerez. Amstramgram, appela-t-il. L'interpellé, un inspecteur, apparut. Accompagnez ces messieurs jusque chez le commissaire Bourrelet. Voilà, au revoir messieurs. Je vous souhaite un bon portage et vous prie encore une fois de m'excuser pour la fausse manœuvre de tout à l'heure. Guy, Sylvain et Léon Lamigraine suivirent l'inspecteur Amstramgram qui les introduisit dans le cabinet du commissaire Bourrelet. À suivre correctement et régulièrement. Sylvain Étiré, Guy Lanneuf et Léon Lamigraine sont introduits par l'inspecteur Amstramgram dans le cabinet du commissaire Bourrelet. Ce n'était d'ailleurs pas un cabinet, pas plus qu'un bureau. C'était un salon spacieux, clair, haut de plafond, quoiqu'un peu bas de plancher. Des fleurs partout, des toiles au mur, une épaisse moquette étouffant les pas, éclairage indirect, des meubles de style choisi et répartis avec un goût très sûr, bref, un endroit charmant et agréable où tout respirait le confort et la joie de vivre. Vous permettez, le commissaire Bourrelet aux trois amis, je suis en train de donner à mes inspecteurs les dernières instructions. Je vous en prie, commissaire, dit Sylvain, continuez. Merci. Prenez place, je vous prie. Le commissaire Vaurouillet était un homme d'une cinquantaine d'années, grand, mince, élancé, à la chevelure grisonnante, parfaitement ordonnée, au regard énergique, sachant par instants se teinter d'humour et d'ironie. Un smoking du bon faiseur le moulait impeccablement. Trois inspecteurs, également en smoking, se tenaient devant lui, attentifs à ses propos. « Alors, messieurs, c'est bien compris, » dit-il d'une voix claire et bien timbrée. « Pas de violence, pas d'énervement, pas de gestes inconsidérés. Je ne tolérerai aucune défaillance. Et surtout, j'insiste particulièrement sur ce point de la tenue. Toujours de la tenue, encore de la tenue. Voyons un peu. Vous avez bien tous votre fleur à la boutonnière. Bon, rectifiez-moi ce nœud de cravate, il est travers. Tournez-vous. Bien, et vous là. Qu'est-ce que c'est que cette pochette ? C'est une pochette surprise, patron. Complètement déplacée, mon ami. Je ne veux pas de fantaisie intempestive. Vos mains à présent ? Oui, oui. Eh bien, inspecteur Feumel, que signifie ? Pas de manucure cette semaine ? J'ai pas eu le temps, patron. C'est pas une excuse. J'exige de mes inspecteurs qu'ils aient toujours des ongles impeccables et de la crème sur les mains. Tenez-vous-le pour dit. Et pas d'armes, j'espère. Eh bien, hurlevent, qu'est-ce que ça veut dire ? Une matraque ? Êtes pas un peu fou, non ? Mais, patron, je vais faire couvrir avec de la guipure et de l'organdi et de surcroît orné de faveurs et de rubans. Oui, je sais, vous êtes un sentimental et un délicat, mais pas le sambleu. Mettez-vous bien dans la tête une fois pour toutes que, quels qu'ils soient, tous les anciens procédés de passage à tabac et d'intimidation brutale sont définitivement et rigoureusement prohibés. Je n'y reviendrai pas. Léonard, quelle heure est-il ? -10, patron. -10 de quoi ? Je ne sais pas, patron. J'ai perdu la petite aiguille. Bon, alors nous avons juste le temps. Notre client ne va pas tarder. Feuille-molle, arrangez les fleurs. Hurlevent, tamisez les lumières. Léonard, branchez le pick-up. Un peu de musique douce pour créer l'ambiance. L'ambiance est d'une importance capitale. La confiance par l'ambiance, c'est mon slogan. Bon, tout est en ordre. Parfait. Prêt ? Prêt, patron, répondirent en chœur les trois hommes. Alors allons-y. Et n'oubliez pas qu'urbanité et civilité sont les deux mamelles des aveux spontanés. Et le commissaire Vaurouillet sonna. Un huissier entra. Asmirus, fit le commissaire. Notre homme est là ? Oui, monsieur le commissaire. Très bien. « Introduisez-le. » Et l'huissier annonça cérémonieusement « Monsieur Ritou, les mains jointes, directeur général du gang des tractions à vapeur. » Ritou fit son entrée. Ainsi que l'avait dit le préfet, c'était une brute épaisse, présentant tous les stigmates du vice et de la cruauté. Le commissaire fit un signe à ses inspecteurs. « Debout, messieurs, allons !» Puis s'adressant au nouvel arrivant. « Bonjour, cher ami, quel bon vent vous amène ?» L'homme cracha par terre et ne répondit rien. « Il est charmant. » « Je me présente, commissaire Vaurouillet, et voici les inspecteurs Feuillemolle, Hurlevent et Léonard. » Les trois inspecteurs s'inclinèrent. « Enchanté, dirent-ils. Mort aux vaches, fit la brute. Il est délicieux. Asseyez-vous, cher ami. Eurydice, Eurydice !» appela le commissaire. Une charmante et accorde soubrette accourut. Vestiaire, Eurydice, débarrassé monsieur. Et Eurydice lui enleva les menottes, qui étaient en argent finement ouvragé, avec incrustation de pierres précieuses. « Votre numéro, monsieur, » dit-elle en lui tendant un carton. « Combien que je dois ?» fit le truand. « Vous plaisantez ?» reprit le commissaire. « Cigarette ?» L'homme en prit une, et les inspecteurs se précipitèrent, briquet en main, pour l'allumer. « Whisky ? Gin ? Dry ? Martini ? Alexandra ?»« Cherche-moi bien un coup de rouge !» articula péniblement l'homme, en jetant des regards surpris et méfiants. « Ben voyons donc, qu'à cela ne tienne ! Hurlevent ! Une bouteille de Chambol Musigny pour notre invité !» À suivre, en ouvrant l'œil et le bon. Le commissaire Vaurouillet vient de commander à l'intention de l'individu à interroger « Hurlevent, une bouteille de Chambol Musigny pour notre invité. »« Moi, je suis votre invité, » fit l'individu. « Évidemment, invité à dire la vérité, je n'ouvrirai pas. »« Ne vous avancez pas trop, nous avons des moyens. Vous pouvez toujours y aller. »« Nous verrons ça plus tard. » Le commissaire prit place à son bureau. « Voyons, » dit-il d'abord, pour la forme, quelques petits renseignements. « Vous appelez bien Ritou les mains jointes. » « Ouais, c'est un nom de bonne compagnie. Je veux. Votre âge, je me rappelle pas. Curieux, ça. Et comment ça se fait ? Ben, pas, ça change tous les ans. Alors moi, j'ai autre chose à faire que de tenir une comptabilité. Comme je vous comprends d'ailleurs, on a que l'âge de ses artères. Ah, je suis pas au courant. Ça ne fait rien. Marié ? Ouais. Et que fait madame votre femme ? Baisse des fonds. Oui, et de quelle manière? Et dans le commerce. Dans le commerce. Et quel commerce? Ben, dans le commerce des... Et tiens, un clandé, quoi? Un quoi? Un clandé. Une tôle clandestine ou ski? Oui, parfaitement. Je vois. Pas d'enfant? Si. Une fille. Une fille. Oui, une fille cadette. Et pas de fille aînée? Non. Le fait est, pour ce que ça sert. Et quel âge a mademoiselle votre fille? 15 ans. Et que fait-elle? Ben, elle travaille avec sa mère. Ah, oh, pas tout le temps, hein. Elle donne un coup de main les jours de presse, vous comprenez? Oui. Et le commissaire sortant un flacon de parfum d'un tiroir, le met dans la main de Ritou. Tenez, mon ami, vous ferez parvenir ceci de ma part à votre charmante demoiselle avec mes compliments et l'expression de ma sincère admiration. Visiblement, le coup avait porté. Tout dans l'attitude du bandit le prouvait. Il était, vaguement encore, mais incontestablement dérouté. Et, l'œil égaré, complètement abasourdi. Il porta machinalement le flacon à ses narines. Ça sent bon, murmura-t-il. Qu'est-ce que c'est? Soir de rafle, de chez Poulet. Et, sans insister davantage sur le point qu'il venait de marquer, le commissaire, comme si de rien n'était, poursuivit son interrogatoire. Vous savez, mon cher Rito, de quoi vous êtes accusé? Je m'en cloque. Bien sûr, dit le commissaire compréhensif et conciliant. Mais enfin, il est de mon devoir de vous le rappeler. Vous êtes accusé de l'attaque du pédalo postal, de 8 mortes, 4 assassinats, 19 cambriolages, un viol et de 8 infractions pour stationnement illicite et défaut d'éclairage. Ritou, les mains jointes, s'étaient ressaisies. Je suis pas au courant, dit-il. Vraiment? Puisque je vous le dis. Très bien. Nous allons vous appliquer le premier degré. Inspecteur Feuimol, à vous. L'inspecteur Feuimol s'approcha de Ritou et lui remettant une boîte en bois précieux entourée de faveurs roses et bleues, lui dit: Cher monsieur Ritou, au nom de l'amicale des pèlerins roulés, voulez-vous me permettre de vous offrir ce coffret de 12 cravates pur soie? L'homme eut un sursaut. C'est pas vrai. Mais si, c'est vrai, dit le commissaire en souriant. Ah ben alors, c'est vachement oseux. C'est la moindre des choses, protesta le commissaire, cependant qu'une lueur narquoise brillait dans ses yeux. Alors, Ritou, ces vols, ce viol, ces meurtres, je suis pas au courant. Alors, désolé. Second degré, inspecteur Hurlevent. Et l'inspecteur Hurlevent, une petite cassette à la main. Monsieur le préfet de police, fit-il, se fait un plaisir de vous prier d'accepter cette boîte de cigares de la Havane, ainsi que la somme de 250 nouveaux francs pour vos œuvres. Ritou resta muet. Il semblait comme foudroyé. Il essaya péniblement de déglutir sans y parvenir complètement. Guy et Sylvain, tendus, puissamment intéressés, l'observaient intensément. Le regard perdu, les mains tremblantes, ils ne comprenaient plus. Le choc était rude et ils l'accusaient malgré lui. Car ce choc n'était pas celui auquel il s'attendait. Au lieu de gifles et de coups de matraque, voilà qu'on lui faisait des cadeaux et qu'on lui parlait gentiment. Complètement dérouté, il commençait insensiblement à perdre pied. Décidément, le commissaire Fourroulé se révélait un psychologue avisé, et sa méthode, fondée justement sur ce qu'il appelait le choc surprise, se révélait efficace. À suivre, à distance convenable et à intervalles raisonnables. Le commissaire Vauroulé, après l'avoir entrepris, poursuit l'interrogatoire de Ritou les mains jointes. Alors, Ritou, reprit-il, toujours pas au courant? La réponse ne vint pas tout de suite. Un lent travail s'opérait dans le cerveau de Ritou. On sentait, on voyait qu'il luttait intérieurement, partagé entre la volonté de ne rien avouer et le désir de faire plaisir à ces gens qu'il comblait. Alors, répéta le commissaire, toujours pas au courant? Non. Alors, Ritou, que diable, un bon mouvement! On vous en tiendra compte. Ritou perdait pied. Ben, pas, articula-t-il avec difficulté. Ce serait moi, je vous le dirais, hein, mais puisque c'est pas moi. Alors, troisième degré. Inspecteur Léonard. Et comme ses deux collègues, l'inspecteur Léonard s'avança et annonça. De la part de la brigade cycliste et de l'association sportive des juges d'instruction, ce chronomètre en platine et ce stylo en or 18 carats. Ma verre d'aveu, proféra Ritou. Il avait l'air d'une bête aux abois. Les veines de son cou et de son front saillaient comme des cordes. Sa bouche se tordait et se déformait en un affreux rictus. « Alors, fit doucement le commissaire, d'une voix légèrement tremblante, non pas de crainte, mais de triomphe, car il tenait son homme, il le sentait à sa merci, encore un petit effort, et tout serait dit. Et soudain, l'homme éclata. « Eh ben oui, là, c'est moi !» Puis, comme un noyé qui se débat, il eut un dernier sursaut. « Oui, c'est moi, relatez, c'est moi. Pour l'attaque du pétalon postal des ratatinages et l'écrasement, oui, d'accord. Mais pour les 8 infractions, je suis pas bon. Et le viol, Ritou, hein? Le viol, vous l'oubliez? Oh là là, pas la peine d'en faire une terrine. Ça, un viol, pas même une visite à la sauvette. Ah bah, charmant euphémisme. Vous appelez ça une visite à la sauvette? Ben oui, quoi. J'ai fait qu'entrer et sortir. Admettons. Alors, et ces 8 infractions? Ritou se raidit. Et dans un effort surhumain, désespéré, il hurla « Non, non, non et non !» Et il s'écroula presque. Alors, fit le commissaire en soupirant, vous l'aurez voulu. « Léonard » appela-t-il d'une voix subitement durcie. « Quatrième et dernier degré !» Léonard atteignit le fond de la pièce, ouvrait une porte et livra passage à une pin-up affolante aux 3 quarts nus et qui dégageait un sex-appeal à damner un Saint-Honoré. Léonard la présenta à Ritou. « Mademoiselle Maria les doigts souples, qui brûle d'envie de vous connaître. » Et la fille se jeta littéralement sur le malheureux gangster, le couvrant de baisers, l'entourant de ses bras nus, lui plaquant ses seins sur le visage, se vautrant sur lui, le caressant partout. « Enfin, enfin, murmura-t-elle, enfin, Ritou, mon Ritou, depuis le temps que j'étais dans la thyroïde, faites-moi ce que tu voudras, je suis ton esclave !» Le spectacle était pénible. Et le commissaire, pourtant blasé et endurci, détourna un instant les yeux. Guy et Sylvain étaient tout pâles. Léon la migraine congestionnée esquissa un mouvement que les deux journalistes opèrent en lui mobilisant chacun un bras. « Quoi, les gars ?» supplia Léon. « Laissez-moi faire. J'en ai pas encore pris d'exercice aujourd'hui. »« Pas ici, souffla Guy. Il y a des limites, » dit Sylvain. Et Léon la migraine rengaina son compliment. « Assez, assez, assez !» hurlait Ritou. L'écume aux lèvres, le fond ruisselant de sueur, le souffle court. Le commissaire, se faisant violence, reprit. « Avouez, Ritou, avouez. C'est pas moi !» Le commissaire fit un signe à la fille qui étreignit Ritou de plus belle. « Tu verras, Ritou, je serai mignonne. Je te ferai des trucs avec un fouet à mayonnaise. » « Non, non, pas ça, pas ça !» Il sanglotait à présent. « Et puis après, tu verras, Ritou, mon Ritou, je t'en ferai d'autres des trucs, avec une varlope et une rapabois. Et puis encore, assez, assez, je deviens dingue, arrêtez, arrêtez, j'en peux plus arrêter, je vais te vous dire !»« À la bonne heure !» s'écria le commissaire, visiblement soulagé. « À la bonne heure !» Le malheureux truand, secoué de hoquets spasmodiques, pleurait à chaudes larmes. Le commissaire fit un signe à la fille qui s'éclipsa, puis se tournant vers Guy et Sylvain. « Voilà, messieurs, c'est gagné. Ça a été dur et pénible. » Vous avions affaire à forte partie, mais grâce à nos méthodes, nous avons une fois de plus triomphé. Et maintenant, messieurs, tous à la salle à manger des aveux spontanés, où notre ami Ritou, les mains jointes, après s'être mis congrûment à table, va enfin manger le morceau. Tout le monde, y compris Guy, Sylvain et Léon, déférèrent à l'invitation du commissaire. On installa Ritou à la place d'honneur, et quelques instants plus tard, on pouvait l'entendre raconter au milieu de l'allégresse et de la bonne humeur générale. « Alors pas pour le premier tatinage, voilà. J'y file d'abord un coup de boule dans le buffet, j'ai dit « T'as jamais bêté de la tête d'homme à cette heure-ci ?»« Et rang que je fais, et je te l'étends, dans le caniveau. Après, je l'ai fini à coup de tatane. Alors après, c'est pas... » Et le reste se perdit dans la rumeur d'une hilarité de bonne aloi. À suivre, de près comme de loin, et réciproquement.